chapitre 29. Voici quel fut le résultat de leur convention. Louise partit pour Paris et revint 15 jours après avec son fils. Elle força Madame Léry à traiter avec elle pour une pension qu'elle voulait lui payer chaque mois. Bénédicte et Valentine se chargèrent tour à tour de l'éducation de Valentin et continuèrent à se voir presque tous les jours après le coucher du soleil. Valentin était un garçon de 15 ans, grand, mince et blond. Il ressemblait à Valentine. Il avait comme elle un caractère égal et facile. Ses grands yeux bleus avaient déjà cette expression de douceur caressante qui charmait en elle. Son sourire avait la même fraîcheur, la même bonté. Il ne l'eut pas plus tôt vue qu'il se prit d'affection pour elle, au point que sa mère en fut jalouse. On régla ainsi l'emploi de son temps. Il allait passer dans la matinée 2 heures avec sa tante, qui cultivait en lui les arts d'agrément. Le reste du jour, il le passait à la maisonnette du ravin. Bénédicte avait fait d'assez bonnes études pour remplacer avantageusement ses professeurs. Il avait, pour ainsi dire, forcé Louise à lui confier l'éducation de cet enfant. Il s'était senti le courage et la volonté ferme de s'en charger et de lui consacrer plusieurs années de sa vie. C'était une manière de s'acquitter envers elle, et sa conscience embrassait cette tâche avec ardeur. Mais quand il eut vu Valentin, la ressemblance de ses traits et de son caractère avec Valentine, et jusqu'à la similitude de son nom, lui firent concevoir pour lui une affection dont il ne se serait pas cru capable. Il l'adopta dans son cœur, et pour lui épargner les longues courses qu'il était forcé de faire chaque jour, il obtint que sa mère le laissât habiter avec lui. Il lui fallut bien souffrir alors que, sous prétexte de rendre l'habitation commode à son nouvel occupant, Valentine et Louise y fissent faire quelques embellissements. Par leurs soins, la maison du ravin devint en peu de jours une retraite délicieuse pour un homme frugal et poétique comme l'était Bénédicte. Le pavé, humide et malsain, fit place à un plancher élevé de plusieurs pieds au-dessus de l'ancien sol. Les murs furent recouverts d'une étoffe sombre et fort commune, mais élégamment plissée en forme de tente pour cacher les poutres du plafond. Des meubles simples mais propres, des livres choisis, quelques gravures et de jolis tableaux peints par Valentine furent à portée du château et achevèrent de créer, comme par magie, un élégant cabinet de travail sous le toit de chaume de Bénédicte. Valentine fit présent à son neveu d'un joli poney du pays pour venir chaque matin déjeuner et travailler avec elle. Le jardinier du château vint arranger le petit jardin de la chaumière. Il cacha les légumes prosaïques derrière les haies de pampre. Il sema de fleurs le tapis de verdure qui s'arrondissait devant la porte de la maison. Il fit courir des guirlandes de liserons et de houblons sur le chaume rembruni de la toiture. Il couronna la porte d'un dais de chèvrefeuille et de clématite. Il élaga un peu les houx et les buis du ravin et ouvrit quelques percées d'un aspect sauvage et pittoresque. En homme intelligent, que la science de l'horticulture n'avait pas abruti, il respecta les longues fougères qui s'accrochaient aux rochers. Il nettoya le ruisseau sans lui ôter ses pierres moussues et ses margelles de bruyères empourprées. Enfin, il embellit considérablement cette demeure. Les libéralités de Bénédicte et les bontés de Valentine fermèrent la bouche à tout commentaire insolent. Qui pouvait ne pas aimer Valentine? Dans les premiers jours, l'arrivée de Valentin, ce témoignage vivant du déshonneur de sa mère, fit un peu jaser le village et les serviteurs du château. Quelque portée qu'on soit à la bienveillance, on ne renonce pas aisément à une occasion si favorable de blâmer et de médire. Alors, on fit attention à tout. On remarqua les fréquentes visites de Bénédicte au château, le genre de vie mystérieux et retiré de Madame de Lansac. Quelques vieilles femmes qui, du reste, détestaient cordialement Madame de Rimbaud, firent observer à leurs voisines, avec un soupir et un clignement d'œil piteux, que les habitudes étaient déjà bien changées au château depuis le départ de la comtesse, et que tout ce qui s'y passait ne lui conviendrait guère si elle pouvait s'en douter. Mais les commérages furent tout à coup arrêtés par l'invasion d'une épidémie dans le pays. Valentine, Louise et Bénédicte prodiguèrent leurs soins, s'exposèrent courageusement aux dangers de la contagion, fournirent avec générosité à toutes les dépenses, prévinrent tous les besoins du pauvre, éclairèrent l'ignorance du riche. Bénédicte avait étudié un peu en médecine. Avec une saignée et quelques ordonnances rationnelles, il sauva beaucoup de malades. Les tendres soins de Louise et de Valentine adoucirent les dernières souffrances des autres ou calmèrent la douleur des survivants. Quand l'épidémie fut passée, personne ne se souvint des cas de conscience qui s'étaient élevés à propos de ce jeune et beau garçon transplanté dans le pays. Tout ce que firent Valentine, Bénédicte ou Louise fut déclaré inattaquable. Et si quelque habitant d'une ville voisine eût osé tenir un propos équivoque sur leur compte, il n'était pas un paysan à 3 lieues à la ronde qui ne le lui eût fait payer cher. Le passant curieux et désœuvré était malvenu lui-même à faire dans les cabarets de village quelques questions trop indiscrètes sur le compte de ces 3 personnes. Ce qui compléta leur sécurité, c'est que Valentine n'avait gardé à son service aucun de ses valets nés dans la livrée. Peuple insolent, ingrat et bas, qui salit tout ce qu'il regarde, et dont la comtesse de Rimbaud aimait à s'entourer pour avoir, apparemment, des esclaves à tyranniser. Après son mariage, Valentine avait renouvelé sa maison. Elle ne l'avait composée que de ses bons serviteurs à demi-villageois, qui font un bail pour entrer au service d'un maître, le servent avec gravité, avec lenteur, avec complaisance, si l'on peut parler ainsi, qui répondent « je veux bien » ou « il y a moyen » à ses ordres. L'impatiente et le désespère souvent, casse ses porcelaines, ne lui vole pas un sou, mais par maladresse et lourdeur font un horrible dégât dans une maison élégante. Gens insupportables, mais excellents, qui rappellent toutes les vertus de l'âge patriarcal, qui, dans leur solide bon sens et leur heureuse ignorance, n'ont pas l'idée de cette rapide et servile soumission de la domesticité selon nos usages, qui obéissent sans se presser, mais avec respect. Gens précieux, qui ont encore la foi de leur devoir, parce que leur devoir est une convention franche et raisonnée. Gens robustes, qui rendraient des coups de cravache à un dandy, qui ne font rien que par amitié, qu'on ne peut s'empêcher ni d'aimer ni de maudire, qu'on souhaite 100 fois par jour voir à tous les diables, mais qu'on ne se décide jamais à mettre à la porte. La vieille marquise eût pu être une sorte d'obstacle au projet de nos 3 amis. Valentine s'apprêtait à lui en faire la confidence et à la disposer en sa faveur. Mais, à cette époque, elle faillit succomber à une attaque d'apoplexie. Son raisonnement et sa mémoire en reçurent une si vive atteinte qu'il ne fallut pas espérer de lui faire comprendre ce dont il s'agissait. Elle cessa d'être active et robuste. Elle se renferma presque entièrement dans sa chambre et se livra avec sa gouvernante aux pratiques d'une dévotion puérile. La religion, dont elle s'était fait un jeu toute sa vie, lui devint un amusement nécessaire, et sa mémoire usée ne s'exerça plus qu'à réciter des patenôtres. Il n'y avait donc plus qu'une personne qui eût pu nuire à Valentine, c'était cette demoiselle de compagnie. Mais mademoiselle Beaujean, c'était son nom, ne demandait qu'une chose au monde, c'était de rester auprès de sa maîtresse et de la circonvenir de manière à accaparer tous les legs qu'il serait en son pouvoir de lui faire. Valentine, tout en la surveillant de manière à ce qu'elle n'abusât jamais de l'empire qu'elle avait sur l'esprit de la marquise, s'étant assurée qu'elle méritait, par son zèle et ses soins, toutes les récompenses qu'elle pourrait en obtenir, lui témoigna une confiance dont elle fut reconnaissante. Madame de Rimbaud, à demi instruite par la voix publique, car rien ne peut rester absolument secret, si bien qu'on s'y prenne, lui écrivit pour savoir à quoi s'en tenir sur les différents propos qui lui étaient parvenus. Elle avait grande confiance dans cette Beaujean, qui n'avait jamais beaucoup aimé Valentine, et qui, en revanche, avait toujours aimé à médire. Mais la Beaujean, dans un style et dans une orthographe remarquablement bizarre, s'empressa de la détromper et de l'assurer qu'elle n'avait jamais entendu parler de ces étranges nouvelles, inventées probablement dans les petites villes des environs. La Beaujean comptait se retirer du service aussitôt que la vieille marquise serait morte. Elle se souciait fort peu ensuite du courroux de la comtesse, pourvu qu'elle quittât cette maison les poches pleines. Monsieur de Lansac écrivait fort rarement et ne témoignait nulle impatience de revoir sa femme, nul désir de s'occuper de ses affaires de cœur. Ainsi, une réunion de circonstances favorables concourait à protéger le bonheur que Louise, Valentine et Bénédicte volaient, pour ainsi dire, à la loi des convenances et des préjugés. Valentine fit entourer d'une clôture la partie du parc où était situé le pavillon. Cette espèce de parc réservé était fort sombre et fort bien planté. On y ajouta sur les confins des massifs de plantes grimpantes, des remparts de vignes vierges d'Aristoloche et de ces haies de jeunes cyprès qu'on taille en rideaux et qui forment une barrière impénétrable à la vue. Au milieu de ces lianes et derrière ces discrets ombrages, le pavillon s'élevait dans une situation délicieuse, auprès d'une source dont le bouillonnement, s'échappant à travers les roches, entretenait sans cesse un frais murmure autour de cette rêveuse et mystérieuse retraite. Personne n'y fut admis que Valentin, Louise, Bénédicte et Athénaïs, lorsqu'elle pouvait échapper à la vigilance de son mari, qui n'aimait pas beaucoup à lui voir conserver des relations avec son cousin. Chaque matin, Valentin, qui avait une clé du pavillon, venait y attendre Valentine. Il arrosait ses fleurs, il renouvelait celles du salon, il essayait quelques études sur le piano, ou bien il donnait des soins à la volière. Quelquefois, il s'oubliait sur un banc, aux vagues et inquiètes rêveries de son âge. Mais sitôt qu'il apercevait la forme svelte de sa tante à travers les arbres, il se remettait à l'ouvrage. Valentine aimait à constater la similitude de leur caractère et de leurs inclinations. Elle se plaisait à retrouver dans ce jeune homme, malgré la différence des sexes, les goûts paisibles, l'amour de la vie intime et retirée qui était en elle. Et puis elle l'aimait à cause de Bénédicte, dont il recevait les soins et les leçons, et dont chaque jour il lui apportait un reflet. Valentin, sans comprendre la force des liens qu'il attachait à Bénédicte et à Valentine, les aimait déjà avec une vivacité et une délicatesse au-dessus de son âge. Cet enfant, né dans les larmes, le plus grand fléau et la plus grande consolation de sa mère, avait fait de bonne heure l'essai de cette sensibilité qui se développe plus tard dans le cours des destinées ordinaires. Dès qu'il avait été en âge de comprendre un peu la vie, Louise lui avait exposé nettement sa position dans le monde, les malheurs de sa destinée, la tâche de sa naissance, les sacrifices qu'elle lui avait faits, et tout ce qu'elle avait à braver pour remplir envers lui ses devoirs si faciles et si doux aux autres mères. Valentin avait profondément senti toutes ces choses. Son âme, facile et tendre, avait pris dès lors une teinte de mélancolie et de fierté. Il avait conçu pour sa mère une reconnaissance passionnée, et dans toutes ses douleurs, elle avait trouvé en lui de quoi la récompenser et la consoler. Mais il faut bien l'avouer, Louise, qui était capable d'un si grand courage et de tant de vertus supérieures aux vulgaires, était peu agréable dans le commerce de la vie ordinaire. Passionnée à propos de tout et en dépit d'elle-même, sensible à toutes les blessures dont elle aurait dû savoir émousser la teinte, elle faisait souvent retomber l'amertume de son âme sur l'âme si douce et si impressionnable de son fils. Aussi, à force d'irriter ses jeunes facultés, elle les avait déjà un peu épuisées. Il y avait comme des teintes de vieillesse sur ce front de 15 ans, et cet enfant, à peine éclos à la vie, éprouvait déjà la fatigue de vivre et le besoin de se reposer dans une existence calme et sans orage. Comme une belle fleur née le matin sur les rochers et déjà battue des vents avant de s'épanouir, il penchait sa tête pâle sur son sein, et son sourire avait une langueur qui n'était pas de son âge. Aussi, l'intimité si caressante et si sereine de Valentine, le dévouement si prudent et si soutenu de Bénédicte, commencèrent pour lui une nouvelle ère. Il se sentit épanouir dans cette atmosphère plus favorable à sa nature. Sa taille, souple et frêle, prit un essor plus rapide, et une douce nuance d'incarnat vint se mêler à la blancheur mate de ses joues. Athénaïs, qui faisait plus de cas de la beauté physique que de toute chose au monde, déclarait n'avoir jamais vu une tête aussi ravissante que celle de ce bel adolescent, avec ses cheveux d'un blond cendré, comme ceux de Valentine, flottant par grosses boucles sur un cou blanc et poli comme le marbre de l'Antinous. L'étourdi n'était pas fâché de répéter à tout propos que c'était un enfant sans conséquence. Afin d'avoir le droit de baiser de temps en temps ce front si pur et si limpide, et de passer ses doigts dans ses cheveux qu'elle comparait à la soie vierge des cocons dorés. Le pavillon était donc pour tous, à la fin du jour, un lieu de repos et de délices. Valentine n'y admettait aucun profane et ne permettait aucune communication avec les gens du château. Catherine avait seule droit d'y pénétrer et d'en prendre soin. C'était l'Élysée, le monde poétique, la vie dorée de Valentine. Au château, tous les ennuis, toutes les servitudes, toutes les tristesses, la grand-mère infirme, les visites importunes, les réflexions pénibles et l'oratoire plein de remords. Au pavillon, tous les bonheurs, tous les amis, tous les doux rêves, l'oubli des terreurs et les joies pures d'un amour chaste. C'était comme une île enchantée au milieu de la vie réelle, comme une oasis dans le désert. Au pavillon, Louise oubliait ses amertumes secrètes, ses violences comprimées, son amour méconnu. Bénédicte, heureux de voir Valentine s'abandonner sans résistance à sa foi, semblait avoir changé de caractère. Il avait dépouillé ses inégalités, ses injustices, ses brusqueries cruelles. Il s'occupait de Louise presque autant que de sa sœur. Il se promenait avec elle sous les tilleuls du parc, un bras passé sous le sien. Il lui parlait de Valentin, lui vantait ses qualités, son intelligence, ses progrès rapides. Il la remerciait de lui avoir donné un ami et un fils. La pauvre Louise pleurait en l'écoutant et s'efforçait de trouver l'amitié de Bénédicte plus flatteuse et plus douce que ne l'eût été son amour. Athénaïs, rieuse et folâtre, reprenait au pavillon toute l'insouciance de son âge. Elle oubliait là les tracas du ménage, les orageuses tendresses et la jalouse défiance de Pierre Bluty. Elle aimait encore Bénédicte, mais autrement que par le passé. Elle ne voyait plus en lui qu'un ami sincère. Il l'appelait sa sœur, comme Louise et Valentine. Seulement, il se plaisait à la nommer sa petite sœur. Athénaïs n'avait pas assez de poésie dans l'esprit pour s'obstiner à nourrir une passion malheureuse. Elle était assez jeune, assez belle pour aspirer à un amour partagé. Et jusque-là, Pierre Bluty n'avait pas contribué à faire souffrir sa petite vanité de femme. Elle en parlait avec estime, la rougeur au front et le sourire sur les lèvres. Et puis, à la moindre remarque maligne de Louise, elle s'enfuyait, légère, espiègle, parmi les sentiers du parc, traînant après elle le timide Valentin qu'elle traitait de petit écolier, et qui n'avait guère qu'un an de moins qu'elle. Mais ce qu'il serait impossible de rendre, c'est la tendresse, muette et réservée, de Bénédicte et de Valentine. C'est ce sentiment exquis de pudeur et de dévouement qui dominait chez eux la passion ardente toujours prête à déborder. Il y avait dans cette lutte éternelle mille tourments et mille délices. Et peut-être Bénédicte chérissait-il autant les uns que les autres. Valentine pouvait souvent encore craindre d'offenser Dieu et souffrir de ses scrupules religieux. Mais lui, qui ne concevait pas aussi bien l'étendue des devoirs d'une femme, se flattait de n'avoir entraîné Valentine dans aucune faute et de ne l'exposer à aucun repentir. Il lui sacrifiait avec joie ses brûlantes aspirations qui le dévoraient. Il était fier de savoir souffrir et vaincre. Tout bas, son imagination s'enivrait de mille désirs et de mille rêves. Mais tout haut, il bénissait Valentine des moindres faveurs. Effleurer ses cheveux, respirer ses parfums, se coucher sur l'herbe à ses pieds, la tête appuyée sur un coin de son tablier de soie, reprendre sur le front de Valentin un des baisers qu'elle venait d'y déposer, emporter furtivement le soir le bouquet qui s'était flétri à sa ceinture. C'était là les grands accidents et les grandes joies de cette vie de privation, d'amour et de bonheur. Chapitre 30. 15 mois s'écoulèrent ainsi. 15 mois de calme et de bonheur dans la vie de 5 individus. C'est presque fabuleux. Il en fut ainsi pourtant. Le seul chagrin qu'éprouva Bénédicte, ce fut de voir quelquefois Valentine pâle et rêveuse. Alors il se hâtait d'en chercher la cause, et il découvrait toujours qu'elle avait rapport à quelque alarme de son âme pieuse et timorée. Il parvenait à chasser ses légers nuages, car Valentine n'avait plus le droit de douter de sa force et de sa soumission. Les lettres de M. de Lansac achevaient de la rassurer. Elle avait pris le parti de lui écrire que Louise était installée à la ferme avec son fils et que M. Léry, Bénédicte, s'occupait de l'éducation de ce jeune homme, sans dire dans quelle intimité elle vivait avec ces trois personnes. Elle avait ainsi expliqué leurs relations, en affectant de regarder M. de Lansac comme lié envers elle par la promesse de lui laisser voir sa sœur. Toute cette histoire avait paru bizarre et ridicule à M. de Lansac. S'il n'avait pas tout à fait deviné la vérité, du moins était-il sur la voie. Il avait haussé les épaules en songeant au mauvais goût et au mauvais ton d'une intrigue de sa femme avec un cuistre de province. Mais, tout bien considéré, la chose lui plaisait mieux ainsi qu'autrement. Il s'était marié avec la ferme résolution de ne pas s'embarrasser de Madame de Lansac. Et, pour le moment, il entretenait avec une première danseuse du théâtre de Saint-Pétersbourg des relations qui lui faisaient envisager très philosophiquement la vie. Il trouvait donc fort juste que sa femme se créât de son côté des affections qu'il enchaînasse loin de lui sans reproche et sans murmure. Tout ce qu'il désirait, c'était qu'elle agît avec prudence et qu'elle ne le couvrît point, par une conduite dissolue, de ce sot et injuste ridicule qui s'attache au mari trompé. Or, il se fiait assez au caractère de Valentine pour dormir en paix sur ce point. Et puisqu'il fallait nécessairement à cette jeune femme abandonner ce qu'il appelait une occupation de cœur, il aimait mieux la lui voir chercher dans le mystère de la retraite qu'au milieu du bruit et de l'éclat des salons. Il se garda donc bien de critiquer ou de blâmer son genre de vie. Et toutes ses lettres exprimèrent dans les termes les plus affectueux et les plus honorables la profonde indifférence avec laquelle il était résolu d'accueillir toutes les démarches de Valentine. La confiance de son mari, dont elle attribua les motifs à de plus nobles causes, tourmenta longtemps Valentine en secret. Cependant, peu à peu, les susceptibilités de son esprit rigide s'engourdirent et se reposèrent dans le sein de Bénédicte. Tant de respect, de stoïcisme, de désintéressement, un amour si pur et si courageux, la touchèrent profondément. Elle en vint à se dire que, loin d'être un sentiment dangereux, c'était là une vertu héroïque et précieuse, que Dieu et l'honneur sanctionnaient leurs liens, que son âme s'épurait et se fortifiait à ce feu sacré. Toutes les sublimes utopies de la passion robuste et patiente vinrent l'éblouir. Elle osa bien remercier le ciel de lui avoir donné pour sauveur et pour appui, dans les périls de la vie, ce puissant et magnanime complice qui la protégeait et la gardait contre elle-même. La dévotion jusqu'alors avait été pour elle comme un code de principes sacrés, fortement raisonné et gravement repassé chaque jour pour la défense de ses mœurs. Elle changea de nature dans son esprit et devint une passion poétique et enthousiaste, une source de rêves ascétiques et brûlants qui, bien loin de servir de rempart à son cœur, l'ouvrirent de tous côtés aux attaques de la passion. Cette dévotion nouvelle lui sembla meilleure que l'ancienne. Comme elle la sentit plus intense et plus féconde en vives émotions, en ardentes aspirations vers le ciel, elle l'accueillit avec imprudence et se plut à penser que l'amour de Bénédicte l'avait allumée. « De même que le feu purifie l'or, se disait-elle, l'amour vertueux élève l'âme, dirige son essor vers Dieu, source de tout amour. » Mais, hélas, Valentine ne s'aperçut point que cette foi, retrempée au feu des passions humaines, transigeait souvent avec les devoirs de son origine et descendait à des alliances terrestres. Elle laissa ravager les forces que 20 ans de calme et d'ignorance avaient amassées en elle. Elle la laissa envahir et altérer ses convictions, jadis si nettes et si rigides, et couvrir de ses fleurs trompeuses l'âpre et étroit sentier du devoir. Ses prières devinrent plus longues, le nom et l'image de Bénédicte s'y mêlaient sans cesse, et elle ne les repoussait plus. Elle s'en entourait pour s'exciter à mieux prier. Le moyen était infaillible, mais il était dangereux. Valentine sortait de son oratoire avec une âme exaltée, des nerfs irrités, un sang actif et brûlant. Alors, les regards et les paroles de Bénédicte ravageaient son cœur, comme une lave ardente. Qu'il eût été assez hypocrite ou assez habile pour présenter l'adultère sous un jour mystique, et Valentine se perdait en invoquant le ciel. Mais ce qui devait les préserver longtemps, c'était la candeur de ce jeune homme, en qui résidait vraiment une âme honnête. Il s'imaginait qu'au moindre effort pour ébranler la vertu de Valentine, il devait perdre son estime et sa confiance, si péniblement achetée. Il ne savait pas qu'une fois engagé sur la pente rapide des passions, on ne revient guère sur ses pas. Il n'avait pas la conscience de sa puissance. L'eût-il eu, peut-être ne s'en serait-il pas servi. Tant était droit et loyal encore cet esprit tout neuf et tout jeune. Il fallait voir de quelle noble fatuité, de quel sublime paradoxe ils sanctionnaient leur imprudent amour. Comment pourrais-je t'engager à manquer à tes principes ? Disait Bénédicte à Valentine. Moi qui te chéris pour cette force virile que tu m'opposes, moi qui préfère ta vertu à ta beauté et ton âme à ton corps, moi qui te tuerais avec moi si l'on pouvait m'assurer de te posséder immédiatement dans le ciel, comme les anges possèdent Dieu. Non, tu ne saurais mentir, lui répondait Valentine. Toi que Dieu m'a envoyé pour m'apprendre à le connaître et à l'aimer, toi qui, le premier, m'as fait concevoir sa puissance et m'as enseigné les merveilles de la création. Hélas, je la croyais si petite et si bornée. Mais toi, tu as grandi le sens des prophéties, tu m'as donné la clé des poésies sacrées, tu m'as révélé l'existence d'un vaste univers dont le pur amour est le lien et le principe. Je sais maintenant que nous avons été créés l'un pour l'autre, et que l'alliance immatérielle contractée entre nous est préférable à tous les liens terrestres. Un soir, ils étaient tous réunis dans le joli salon du pavillon. Valentin, qui avait une voix agréable et fraîche, essayait une romance. Sa mère l'accompagnait. Athénaïs, un coude appuyé sur le piano, regardait attentivement son jeune favori et ne voulait point s'apercevoir du malaise qu'elle lui causait. Bénédicte et Valentine, assis près de la fenêtre, s'enivraient des parfums de la soirée, de calme, d'amour, de mélodie et d'air pur. Jamais Valentine n'avait senti une si profonde sécurité. L'enthousiasme se glissait de plus en plus dans son âme, et, sous le voile d'une juste admiration pour la vertu de son amant, grandissait sa passion intense et rapide. La pâle clarté des étoiles leur permettait à peine de se voir. Pour remplacer ce chaste et dangereux plaisir que verse le regard, ils laissèrent leurs mains s'enlacer. Peu à peu, l'étreinte devint plus brûlante, plus avide. Leurs sièges se rapprochèrent insensiblement. Leurs cheveux s'effleuraient et se communiquaient l'électricité abondante qu'ils dégagent. Leurs haleines se mêlaient, et la brise du soir s'embrasait autour d'eux. Bénédicte, accablée sous le poids du bonheur délicat et pénétrant que recèle un amour à la fois repoussé et partagé, pencha sa tête sur le bord de la croisée et appuya son front sur la main de Valentine, qu'il tenait toujours dans les siennes. Ivre et palpitant, il n'osait faire un mouvement, de peur de déranger l'autre main qui s'était glissée sur sa tête et qui se promenait, moelleuse et légère, comme le souffle d'un follet parmi les flots rudes et noirs de sa chevelure. C'était une émotion qui brisait sa poitrine et qui faisait refluer tout son sang à son cœur. Il y avait de quoi en mourir. Mais il serait mort plutôt que de laisser voir son trouble, tant il craignait d'éveiller les méfiances et les remords de Valentine. Si elle avait su quel torrent de délices elle versait dans son sein, elle se fût retirée. Pour obtenir cet abandon, ces molles caresses, ces cuisantes voluptés, il y fallait paraître insensible. Bénédicte retenait sa respiration et comprimait l'ardeur de sa fièvre. Son silence finit par gêner Valentine. Elle lui parla à voix basse pour se distraire de l'émotion trop vive qui commençait à la gêner aussi. « N'est-ce pas que nous sommes heureux ? » lui dit-elle, peut-être pour lui faire entendre ou pour se dire à elle-même qu'il ne fallait pas désirer de l'être davantage. « Oh ! » dit Bénédicte en s'efforçant malgré lui d'assurer le son de sa voix. Il faudrait mourir ainsi. Un pas rapide qui traversait la pelouse et s'approchait du pavillon retentit au milieu du silence. Je ne sais quel pressentiment vint effrayer Bénédicte. Il serra convulsivement la main de Valentine et la pressa contre son cœur, qui battait aussi haut dans sa poitrine que le bruit inquiétant de ses pas inattendus. Valentine sentit le sien se glacer d'une peur vague, mais terrible. Elle retira brusquement ses mains et se dirigea vers la porte. mais elle s'ouvrit avant qu'elle l'eût atteinte, et Catherine, essoufflée, parut. « Madame, dit-elle d'un air empressé et consterné, monsieur de Lansac est au château. » Ce mot fit sur tout ce qu'ils entendirent le même effet qu'une pierre lancée au sein des ondes pures et immobiles d'un lac. Les cieux, les arbres, les délicieux paysages qui s'y reflétaient se brisent, se tordent et s'effacent. Un caillou a suffi pour faire rentrer dans le chaos toute une scène enchantée. Ainsi fut rompue l'harmonie délicieuse qui régnait en ce lieu une minute auparavant. Ainsi fut bouleversé le beau rêve de bonheur dont se berçait cette famille. Dispersée tout à coup, comme les feuilles que le vent balaie en tourbillon, elle se sépara, pleine d'anxiétés et d'alarmes. Valentine pressa Louise et son fils dans ses bras. « À jamais à vous !» leur dit-elle en les quittant. « Nous nous reverrons bientôt, j'espère, peut-être demain. » Valentin secoua tristement la tête. Un mouvement de fierté et de haine indéfinissable venait d'éclore en lui au nom de monsieur de Lansac. Il avait souvent songé que ce noble comte pourrait bien le chasser de sa maison. Cette idée avait parfois empoisonné le bonheur qu'il y goûtait. « Cet homme fera bien de vous rendre heureuse, » dit-il à sa tante d'un air martial qui la fit sourire d'attendrissement. « Sinon, il aura affaire à moi. » « Que pourrais-tu craindre avec un tel chevalier ?» dit Athénaïs à madame de Lansac en s'efforçant de paraître gaie et en donnant une petite tape de sa main ronde et polie sur la joue enflammée du jeune homme. « Venez-vous, Bénédicte ?» cria Louise en se dirigeant vers la porte du parc qui s'ouvrait sur la campagne. « Tout à l'heure, » répondit-il. Il suivit Valentine vers l'autre sortie. Et tandis que Catherine éteignait à la hâte les bougies et fermait le pavillon, « Valentine !» lui dit-il d'une voix sourde et violemment agitée. Il ne put en dire davantage. Comment eût-il osé exprimer d'ailleurs le sujet de ses craintes et de sa fureur ? Valentine le comprit, et lui tendant la main d'un air ferme, « Soyez tranquille !» lui répondit-elle avec un sourire d'amour et de fierté. L'expression de sa voix et de son regard eut tant de puissance sur Bénédicte que, docile à la volonté de Valentine, il s'éloigna presque tranquille.